Les hommes ont un cerveau légèrement plus volumineux que les femmes parce que leur corps tout entier est en général plus grand et plus fort. Donc, c'est complètement con comme phrase. Non mais attends, si c'est parce que c'est plus grand, il y a des grandes femmes et puis il y a des petits hommes. Oui. Donc, Ça me fait penser à la taille du cerveau qui donne l'intelligence. Quand il parle de l'intelligence, il n'y a aucun rapport entre la dimension du cerveau et l'intelligence. Il y a autant de sujets bornés chez les gros cerveaux que chez les autres. Pour faire le lien avec les images que nous avions tout à l'heure, il y a eu une publicité avec les brosses à dents. Je me suis amusée à appeler au standard parce que voilà, il fallait que je m'amuse un coup. En fait, c'était une brosse à dents pour lui, une brosse à dents pour elle. Bien sûr, la sienne à elle était rose, la sienne à lui était bleue. Et c'était la description qui allait avec, qui était assez étonnante. Une brosse à dents avec des poils qui vont bien enlever la plaque dentaire pour monsieur, et pour madame, les poils qui vont bien respecter la sensibilité de sa gencive, et avec une tête plus grosse pour la grande mâchoire énorme de monsieur, et pour la toute petite mâchoire de madame, une petite tête. Sachant que la mâchoire, il faut arrêter, je veux dire, il y a des grandes mâchoires, il y a des petites mâchoires, tout sexe confondu. Et le descriptif était aussi dans le sens de la dynamique chez l'homme et faire attention, et l'esthétique chez la femme aussi.